Eh bien, mon frère, qu'est-ce? Comment vous portez-vous? Oh, mon frère, fort mal. Comment fort mal? Oui, je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. Voilà qui est fâcheux. Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. J'étais venu ici, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce Angélique. Mon frère, ne me parlez pas de cette coquine-là! C'est une friponne, une impertinente, une effrontée que je mettrai dans un couvent avant qu'il soit deux jours. Ah, voilà qui est bien. Je suis bien aise que la force vous revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien. Au sol, nous parlerons d'affaires tantôt. Je vous amène ici un divertissement que j'ai rencontré qui dissipera votre chagrin et vous rendra là mieux disposé aux choses que nous avons à dire. Ce sont des Égyptiens vêtus en mort qui font des danses mêlées de chansons où je suis sûr que vous prendrez plaisir. Et cela vaudra bien une ordonnance de Monsieur Purgon. Allons. Oh. Ah oui, bonne.